Thank you. Bonsoir, vous êtes sur le 80. We'll be right back.

Sounds like it's really short. Oh. et c'est la folle ambiance dans les studios de Jet FM sur le. Thank you. Smack. Jet FM 91.2. Partie de ce transfert. Les débris végétaux entraînés par la pluie parviennent jusqu'au domaine noyé. L'eau venant de la surface par les fentes d'un apiaz chemine de fissures en diaclase, de conduits en galeries. Les débris recueillis dans ce filet composent les ressources alimentaires de la faune troglobie. La matière organique est utilisée par une foule d'invertébrés, principalement des insectes et des crustacés, tels cet onicidé s'aventurant dans un gouffre. En milieu aquatique, les restes organiques, animaux et végétaux, sont dévorés par des protozoaires, des vers et des crustacés. Dans l'argile, les bactéries hétérotrophes, qui tirent aussi leur énergie de ces ressources exogènes, sont importantes dans la vie des troglobies tels Nypharcus. Seules, les bactéries autotrophes, faible fraction des éléments vivants à l'intérieur de ce réseau, ne dépendent pas de l'énergie solaire. Dans cette chaîne alimentaire, Nypharcus attend sa nourriture de l'extérieur. Pendant les périodes de sécheresse, lorsque les boues se vident, Nypharcus se retire dans le terrier qu'il s'est creusé. Il peut attendre la remise en eau pendant plusieurs mois dans l'atmosphère saturée de sa logette. Cet animal s'insinue dans les moindres fissures, car il recherche naturellement les espaces restreints. En élevage, des prismes de verre satisfont son thygmotropisme positif. me demande si je suis seul ou si il y a vraiment beaucoup de monde. Je crois qu'il y a beaucoup de monde dans cette cave. Il y a vraisemblablement beaucoup de gens qui me ressemblent. Il doit y avoir mes cousins, mes frères. Il doit y avoir beaucoup de moi-même. With I have been poor, then richer, then poorer than many people. It doesn't matter. I am not talking about the foretaste of death. I have been poor, then richer, then poorer. I had great passions and everything I wanted was given to me. I have wandered. I have gone from place to place. It doesn't matter. I have stayed in one place